Dossier 1. Livre page 18. Question A. 1. Tu pratiques un sport ? Oui, le basket quand je n'ai pas de classe. 2. Vous voulez acheter cette belle trousse ? Non, je ne peux pas. Elle est chère et je n'ai pas assez d'argent. 3. Samia, tu es de nationalité russe. Comment tu arrives à comprendre les cours de français ? Mon oncle m'aide. Il m'explique aussi les leçons de sciences. 4. Combien de lampes y a-t-il dans la classe ? Il y en a 6.